je dors, m'enroule dans ses cheveux d'or, comme une araignée dans sa toile. Moi j'en appelle à mon étoile, qui me fera trouver le nord. Les bateaux reposent encore dans les eaux profondes du port, épuisés par leur long voyage. Moi j'en appelle au vent du large, qui me fera quitter le bord. La nuit que déchire l'aurore n'est plus que l'envers du décor de tous mes rêves périssables. J'en appelle au désert de sable, qui me fera trouver de l'or. Je m'en irai l'âme et le corps, guidé par un commun accord de tous mes sens insatiables. J'en appelle à Dieu et à diable, qui me feront trouver la mort. La fille près de qui je dors m'enroule dans ses cheveux d'or, comme une araignée dans sa toile.